Chapitre 9e. Une agréable veuve. Le vent incant de l'hiver soufflait au travers des bois de Scarsdale, dont il faisait balancer les branches et hurlait lugubrement durant les longues nuits sans lune, pendant lesquelles le locataire de Sir Gaspard restait éveillé dans l'obscurité, réfléchissant à tout ce qui s'était passé pendant les 28 dernières années qui venaient de s'écouler et à l'horizon peu étendu qui bornait sa vie présente. Par le peu que nous connaissons de lui, nous pouvons être convaincus qu'il avait dû éprouver quelque succès, quelque désappointement d'une certaine espèce dans le cours de ses 28 années. Un homme ne passe pas volontairement la meilleure partie de son âge viril dans des voyages sans but, au milieu des plus sauvages régions de la Terre, et ne revient pas dans son pays natal uniquement pour s'enterrer dans une retraite obscure au fond d'un bois sans avoir quelque motif pour agir ainsi. Si George Pounceford eût été pauvre, il aurait eu le monde devant lui, et il n'eût vraisemblablement éprouvé aucun désir paresseux de se tenir éloigné du champ de bataille de la vie, parce que le combat était trop chaud et trop féroce, et la victoire trop incertaine. Le feu dévorant d'une nature énergique et passionnée couvait sous la tranquillité de son sein, alors si rarement agité par une émotion violente. Un regard, un mot, une soudaine explosion de cet homme ordinairement si maître de lui, venait de temps à autre bouleverser son extérieur si calme et trahissait sa force contenue le feu caché qui couvait en lui. De même qu'un lion habitué à son étroite cage qui prend sa nourriture avec douceur des mains de son gardien, redeviendra tout à coup le roi de la forêt en dépit de son extrême docilité, de même, il y avait des moments où le locataire de Sir Gaspard se révoltait contre les chaînes qu'il s'était lui-même imposées. Il y avait des instants où il aurait voulu dire adieu à son calme et paisible ermitage, à la grave société de ses bien-aimés livres, pour fouler les bruyères grises et grimper jusqu'au sommet glacé des montagnes, sous un ciel d'hiver sans soleil. Il y avait des moments où il aurait voulu évoquer Satan et se mesurer avec lui, et après ces fatigantes luttes corps à corps, il était quelquefois obligé de s'avouer vaincu, et de ramener le démon avec lui dans sa tranquille retraite, pour occuper la chaise vide à son foyer, et lui apparaître sous son aspect hideux, à travers la fumée de sa fidèle pipe. Quelquefois il était victorieux, et sortait avec le démon pour l'abandonner au milieu des vents déchaînés sur le sommet des Landes, et revenait joyeux à son logis. Sa figure était levée vers le ciel, et tous les feux de la colère avaient disparu de ses yeux. Pounceford avait passé une grande partie de son temps sous le ciel glacé de l'hiver depuis sa visite à l'abbaye. Mais il était retourné à l'ermitage quelques jours avant Noël, et il y avait trouvé un billet de Sir Gaspard posé parmi les journaux qui étaient sur sa table, un billet qui lui rappelait en termes très aimables sa promesse de passer les fêtes de Noël à l'abbaye et qui le sommait d'accomplir sa promesse. George roula la petite missive autour de ses doigts nerveux, tandis qu'il restait près de la croisée pour regarder dehors les fougères flétries et les taillis dépouillés s'inclinant et craquant tristement sous le vent. Irai-je ? Se demanda-t-il. Pourquoi pas ? Il n'y a aucun danger pour elle dans ma présence, non pas l'ombre. N'ai-je pas vu ses yeux gris limpides briller d'une tendresse aussi calme lorsqu'il se fixait sur moi en regardant son père ? Est-ce que je suis un amoureux insensé auquel une aveugle jeunesse et un âge viril désolé n'ont rien appris ? Est-ce que je suis devenu fou par mon affection exagérée ? Et suis-je disposé maintenant à mettre mon âme et mon cœur au pied d'un ange, comme je les ai mis autrefois au pied caché d'un démon? Sera-t-elle plus malheureuse par ma folie? Que puis-je lui paraître sinon un vieux misanthrope, qu'elle tolère avec la tendresse compatissante de son caractère, comme elle supporte les vieilles femmes ennuyeuses du village de Scarsdale et les enfants bruyants de l'école du dimanche? C'est un des devoirs chrétiens de sa vie d'être bonne pour un homme tel que moi. Et s'il y a quelque danger dans sa bonté, c'est un danger qui me menace et ne menace que moi seul. Oui, j'irai. Ce fut le 22 décembre que Pounceford s'arrêta à cette résolution. Il ordonna à son domestique de tout préparer pour sa visite à l'abbaye et de s'arranger à être prêt pour l'accompagner le 24. Et pendant ce temps, il alla s'enterrer au milieu de ses livres et resta sans dormir ces deux nuits sans lune en pensant à sa vie passée. Il est étrange, comme perpétuellement les ombres de ceux qu'il avait perdus dans ce passé éloigné, d'art le hantait pendant ces derniers jours, et comme dans ses rêves, il entendait souvent les voix des morts résonner à ses oreilles, pendant que de jeunes figures, dont la fraîcheur et l'éclat s'étaient depuis longtemps évanouies, lui souriaient et se moquaient de lui avec leur vive apparence de réalité. Madame Harding, la belle veuve dont sœur Gaspard et sa fille avaient fait connaissance aux coursales de Hombourg, arriva à Scarsdale le jour indiqué par sa lettre, avec un attirail qui faisait augurer une longue visite. Une des voitures de l'abbaye attendait l'arrivée de la dame pour l'amener de la station. Sœur Gaspard l'attendait à la grande entrée et la conduisit au salon jaune où Marcia était assise au piano et jouait doucement pour elle-même dans l'obscurité. « Ma chère mademoiselle Denison, chère sœur Gaspard, comme c'est bon à vous !» s'écria la dame, quoique l'amabilité de son hôte et de son hôtesse eût été en quelque sorte négative, et avait consisté principalement à l'autoriser à se rendre à une invitation à demi oubliée. « À quel endroit charmant vous habitez là ! Je suis enchanté de toutes choses. Comme ces beaux chênes majestueux paraissent grands et nobles, même en hiver !» Je m'étais imaginé que l'abbaye de Scarsdale était presque une résidence royale, mais pas un palais comme elle l'est réellement. Vos tableaux, même à la clarté du feu, je le vois, sont délicieux. Voilà un étui dans le coin là-bas. Oui, je suis sûr que c'en est un. Et voici mon vieil ami Mulready au-dessus de ce bahut d'ébène. Mais, chère sœur Gaspard, chère mademoiselle Denison, comme vous paraissez bien tous les deux, je puis le voir même à cette lumière incertaine. S'écria la veuve, s'apercevant tout à coup que ses deux amis, ayant le dos tourné au feu, auraient pu être changés en cadavres sans qu'elle le vît. Vous devez être fatigué après avoir voyagé par cet abominable temps, dit sœur Gaspard, supprimant un bâillement. Marcia va vous conduire à votre chambre, je présume, on aura lié votre femme de chambre où elle doit porter toutes ses fragiles boîtes à chapeaux et ses précieux sacs en maroquin. Une abigail bien dressée ne confie jamais aux mains grossières du siècle le plus rude. Chère sœur Gaspard, s'écria Madame Harding, laissant voir une rangée de dents qui brilla à la demi-obscurité du feu, je n'ai pas de femme de chambre. Je suis tout à fait une femme du monde, et je me suis toujours dispensée de ce perpétuel embarras, une confidente, depuis que j'ai été assez âgée pour voyager sans compagne. Je suis la plus indépendante créature qui ait jamais existé, et mes habitudes pourraient à peine être plus simples, si j'étais obligé de vivre avec la pension de la veuve d'un capitaine, au lieu de jouir de la très convenable fortune que m'a laissée mon cher mari. Mais vous ne devez pas être surprise de cela, mademoiselle Denison, car je sais combien vous êtes indépendante dans vos habitudes. Ma fille a une petite femme de chambre qui a été constamment sa protégée, depuis qu'elle a été assez vieille pour patronner quelqu'un et qu'elle traite beaucoup mieux que les autres jeunes personnes ne traitent leurs petits bichons. Malgré tout, je suis sûr que vous êtes fatigué, s'écria sœur Gaspard, en étouffant poliment un autre bâillement, et Marcia va vous montrer votre appartement. La veuve protesta et dit qu'elle ne voulait pas que sa chère mademoiselle Denison prît tant de peine, mais poliment, Marcia voulut le faire, la conduisit à un appartement composé d'une suite de belles pièces situées en haut du grand escalier. C'étaient de vastes chambres, avec de sombres draperies cramoisies et de massives garnitures qui reluisaient sombrement à la clarté des nobles feux. Les bougies qui brûlaient sur une table de toilette faisaient seulement un espace éclairé par la vaste chambre à coucher. « Quelle délicieuse pièce !» s'écria la veuve en les regardant à la clarté du feu. Oh, comme je vais m'y trouver heureuse! Chère mademoiselle Denison, je puis à peine vous exprimer combien je suis aise de vous revoir. Nous avons été si heureuses ensemble à Hombourg, n'est-ce pas, chère? Et passer de réelles fêtes de Noël avec vous dans cette noble abbaye, qui semble positivement toute remplie de romans et de mystères, oh, comme cela va être délicieux! Et vous avez réellement choisi cet appartement pour moi? Ces belles et éclatantes pièces qui semblent des temples parfaits de confort et de luxe. Il faut que je vous embrasse encore une fois, vous, ma chérie, si tendre et si prévoyante. Madame Harding fondit sur Marcia et l'embrassa avec effusion. Mademoiselle Denison reçut cet embrassement avec une amabilité tranquille. Elle n'aimait pas Madame Harding, mais elle sentait qu'elle n'avait aucune raison pour la détester. Elle était très désireuse de vaincre ce sentiment que rien ne justifiait. Le poète dont les vers nous confirment dans nos préjugés sans rime ni raison contre le docteur Fell n'est qu'un païen plongé dans les ténèbres, et notre foi chrétienne ne peut tolérer une chose aussi déraisonnable qu'une antipathie sans motif pour un de nos semblables. Et votre appartement est près d'ici, j'espère, non? J'en suis très fâché. J'ai besoin de me sentir toujours près de vous. Nous jouerons et chanterons encore ensemble tous nos anciens petits duos. Chère mademoiselle Denison, me permettrez-vous de vous appeler Marcia? S'écrie la veuve avec un de ces soudains accès d'émotion qui étaient si fréquents dans ses discours. Comment mademoiselle Denison pouvait-elle répondre si ce n'est par l'affirmative? Appelez-moi comme il vous plaira, je serai toujours très heureuse, murmura-t-elle en baissant les yeux. Les pensées que cette flatteuse requête amenait à l'esprit de Martial n'étaient pas des plus agréables. Elle songeait combien peu de personnes l'avaient jamais appelée par son nom de baptême, et combien peu de lèvres, depuis la mort de sa sœur, l'avaient prononcée avec tendresse et expression. L'effusion d'amitié de Madame Harding lui glaça le cœur, car elle lui rappelait qu'il existait quelque chose comme l'affection, quoiqu'elle ne se fût jamais répandue sur elle. Elle se sentait comme un enfant loin de ses foyers, qui répond faiblement aux caresses machinales de ses bruyants camarades d'études, en songeant au doux sein de sa mère et à sa tendre voix, lui murmurant tout bas des paroles d'amour. « Et vous m'appellerez Blanche, voulez-vous Marcia ?»« Marcia, quel charmant nom. Pour moi, c'est toujours un plaisir de l'entendre. Et Blanche, c'est un joli nom, pas vrai, ma bien chérie ?» demanda Madame Harding, qui, dans ses élans d'effusion, avait l'habitude de laisser échapper par-ci par-là des phrases étrangères. « Oui, c'est un très joli petit nom, » répliqua Marcia, se demandant comment elle pourrait jamais se décider à appeler cette superbe veuve par un nom de jeune fille si sentimentale. Et alors, quand Madame Harding levait le couvercle d'une gigantesque malle en cuir, dans laquelle on apercevait des toilettes de soie aux brillantes couleurs et des parures de fête d'un caractère alarmant, Marcia ajouta « Je crains que vous ne trouviez notre maison très ennuyeuse. Vous savez que papa s'est tout à fait retiré de la société depuis la mort de ma pauvre sœur. C'est une chose entendue dans le comté que nous ne faisons qu'une visite et n'en recevons pas. Et à l'exception d'un de nos voisins et amis qui vient sans cérémonie, je doute que vous soyez personne d'autre que nous-mêmes. Alors, ma bien-aimée Marcia, combien je serais heureuse de me sentir reçue là, où d'autres, ayant sans aucun doute infiniment plus de mérite, sont exclus. À Hambourg, où vous et votre cher papa viviez si tranquillement, j'avais été extrêmement flatté de la manière avec laquelle il m'avait admise dans son intimité. J'aimerais toujours le Galignani, car si vous vous en souvenez, cher Marcia, notre connaissance est venue d'un accident très trivial, arrivé à votre papa en m'offrant ce journal dans le salon de lecture. Puis ensuite il fit quelques petites remarques sur la ville et ceux qui la remplissaient, et quelques minutes après, nous semblions les meilleurs amis du monde. Le lendemain, il me présenta à vous, ma chérie, et je sentis tout à coup que je trouvais une âme sympathique à la mienne. Ah, dans ce fatigant désert de la vie, qu'y a-t-il de plus précieux qu'une âme sympathique? C'est une de ces questions que les héroïnes de mélodrame adressent généralement au chandelier et qui ne demandent aucune réponse spéciale. « Ma petite Dorothée peut-elle vous être utile à quelque chose ?» demanda Marcia. « Elle n'est sous aucun rapport une femme de chambre accomplie, mais elle est très vive et très propre dans tout ce qu'elle fait. Et je pense que vous la trouverez intelligente. Dois-je vous l'envoyer ?»« Non, ma chérie, merci. Je suis extrêmement indépendante et j'ai réellement été habituée depuis si longtemps à me servir moi-même que je serais un peu ennuyée par l'aide d'une femme de chambre. » Cela était très vrai. Dans ces jours où des Israélites exercés entreprennent de rendre la beauté éternelle, où d'anciennes Abigail annoncent que leur profession est d'appliquer la dernière méthode de réparer la figure et les yeux pour la minime rétribution de quelques timbres-poste, il y a des secrets dans beaucoup de toilettes qui ne peuvent supporter les yeux clairvoyants d'une suivante. Madame Harding était une très belle femme d'un genre très agréable. Mais elle était d'un âge que les mauvaises langues fixaient vaguement au-delà de 40 ans, et même ses amis, confessèrent volontairement que la brillante veuve avait dépassé sur le grand chemin de la vie le relais de son 38e anniversaire de naissance. De ses massifs rouleaux et de ses tresses noires comme les ailes de corbeau qui ornaient le derrière de sa tête si bien faite, combien y avait-il qui faisait partie intégrante de la tête qu'il décorait? De ses fleurs délicates, sur ses joues roses, ovales et potelées, combien y avait-il dont la fraîcheur rosée était due au pinceau de la nature? Jusqu'à quel point l'incarnat de ses lèvres boudeuses étirait-il sa couleur de la chaleur du sang vital qui circulait sous cette surface rosée? Tout cela était autant du mystère que Madame Harding, dans ses moments les plus expansifs, avait dû garder soigneusement renfermé dans son sein. Je m'inquiète peu des moyens qu'une femme emploie pour être belle, pourvu qu'elle soit belle, dit Sir Gaspard, en discutant ce sujet après une soirée passée dans la société de la veuve. Irais-je me préoccuper, en regardant une nymphe d'Etty, quelles sont les couleurs que l'artiste a employées pour la peindre? Que m'importe quel vermillon ou quel artificieux glacis de jaune de Mars était nécessaire pour donner à ses brillantes lèvres la vie et le charme? Ou si les ondes éparses des cheveux qui voilent ma déesse doivent leur merveilleuse couleur dorée à l'ocre jaune ou au jaune de Naples? Qu'ai-je besoin de savoir, si ce n'est qu'elle est là, devant mes yeux, et que je puis l'admirer? Lorsque ma fille m'embrasse, en me souhaitant le bonsoir, elle ne doit point avoir de peinture sur les lèvres, car elle fait partie de moi-même, et je me tiendrai déshonoré par la moindre fausseté venant d'elle. Mais que ma charmante visiteuse ait recours à tout l'art qui lui plaira pour fabriquer ses charmes, j'applaudirai à son habileté et je la remercierai de prendre tant de peine pour offrir à ma vue un objet aussi adorable. Lorsque le second coup de cloche du dîner sonna, Madame Harding entra dans le salon, resplendissante, dans une robe de moire antique vert foncé, ornée de vieux points d'Angleterre et une parure d'émeraude cabochon montée sur des filigranes d'or. Ses belles épaules blanches brillaient sous une pèlerine de vieille dentelle. Son cou, qu'un sculpteur eût été heureux de modeler, était entouré par un collier de filigranes d'or. Personne ne pouvait nier que la veuve n'eût le droit d'être considérée comme une femme magnifique, lors même qu'elle eût employé quelques subtils artifices pour rehausser sa splendeur. Elle était comme ces funestes mensonges qui sont si difficiles à prouver parce qu'ils ont un fond de vérité. Une femme laide qui rend sa laideur avec des roses et des lys simulés et de luxuriantes nattes importées d'Allemagne attire sur elle le ridicule et la honte. Mais la moitié la plus noble de la création pardonne généralement à une belle femme dont les doigts artistiques luttent rigoureusement contre la main du temps de s'attacher au plaisir que lui procure sa beauté sur son déclin. La sévère simplicité de la robe de soie brune de Marcia et des bandeaux unis de ses cheveux faisaient une espèce de contraste avec la brillante demi-toilette de la veuve et sa chevelure artistique. Mais Madame Harding semblait n'avoir aucune idée qu'elle avait pris une peine inutile pour se faire belle, et cependant elle n'était pas femme à faire aucun effort sans profit. Ce soir-là, elle semblait seulement disposée à être agréable, et cependant elle n'était pas de caractère à être agréable sans motif. Sir Gaspard regardait paresseusement cette splendide créature à travers ses paupières demi-closes pendant qu'elle lui faisait un vif récit de son voyage de Paris à Roxborough, avec de délicieuses touches de couleur locale et une légère pointe épigrammatique dans l'expression. Sir Gaspard la regardait comme il recontemplait un de ses Etty, ou une jolie actrice des bouffes parisiens, se demandant si elle n'avait pas quelque motif pour être venue à Scarsdale. J'espère qu'elle n'en a pas, pensa-t-il. Quelque chose de ce genre serait beaucoup de peine inutile. On suppose généralement que ces aimables veuves sont autant de Machiavel en moire antique. Mais je crois que celle-ci a une élévation de vue qui l'empêchera de faire à mon sujet quelque méprise absurde. D'après ce que je vois dans les journaux, j'imagine que l'honorable méthode par laquelle les femmes d'aujourd'hui s'efforcent de faire une provision pour leur vieillesse est de séduire quelques célibataires assez fous pour afficher des sentiments aussi faux que les charmes qui les inspirent, et d'intenter une action qui manque de promesses à l'admirateur qui refuse d'épouser. Mais je pense qu'il faut qu'un homme dise quelque chose, écrive quelque chose, ou commette quelques petites actions patentes d'idiotisme avant que l'action puisse être intentée, quelque disposée que la dame soit à en témoigner. Et dans ce cas, je suis tout à fait tranquille, et je puis admirer notre charmante veuve tout à mon aise. Elle est certainement très belle. C'est une madone de Giorgione qui connaît le monde et est un peu passée. » Sœur Gaspard avait mis un habit en l'honneur de sa visiteuse et les draperies de Hollande avaient disparu du salon jaune. Le dîner fut simple, mais d'un goût parfait, et Madame Harding, qui était essentiellement épicurienne, en jouit prodigieusement. Elle brilla de plus en plus, sous l'influence de l'ermitage blanc. Elle finit même par étinceler après le Bourgogne et le Curaçao. Les yeux noirs de la veuve lançaient des flammes avec une vivacité enchanteresse, pendant qu'elle racontait à son hôte toutes sortes d'anecdotes sur les gens qu'elle avait rencontrés à Paris et les épigrammes délicieusement spirituels qui avaient obtenu de la réputation parmi les beaux esprits du faubourg Saint-Honoré. Sœur Gaspard était heureux et Marcia s'amusait d'un genre de conversation qui était tout à fait différent de l'idée qu'elle se faisait qu'une conversation dût être et qui cependant était si habilement conduite qu'il ne pouvait jamais offenser même le goût délicat d'une Anglaise bien élevée. La première soirée de Madame Harding à Scarsdale passa très agréablement. Elle joua à l'écarté avec le baronnet et chanta une demi-douzaine de petits duos avec Marcia, dont le riche contralto s'harmonisait délicieusement avec le mezzo-soprano de la veuve. Et il était près de minuit quand elle souhaita le bonjour au baronnet et monta le grand escalier en entourant la taille de Marcia de son bras. Elle s'arrêta sur le seuil de sa porte pour se livrer à une nouvelle effusion. « Dans tout le cours de ma vie, chère, qui a été très variée, je n'ai jamais passé une soirée aussi agréable qu'aujourd'hui. »« Comment cela, ma chère Marcia, et pourquoi ?»« Je n'ai pas besoin de le demander. Quel plaisir au monde peut être aussi pur que celui que nous éprouvons dans la société d'amis, d'amis dans la sincérité desquels nous avons confiance ?» dont l'amitié n'est pas un nom et ne s'attache ni à la richesse ni à la renommée et n'abandonne pas le malheureux à... Ma douce Marcia, quel charmant camé vous avez! Je pense que je n'ai jamais vu une tête plus exquise. C'est un don de votre cher papa, je le vois. Je reconnais son goût d'artiste, sa chaleureuse appréciation de la beauté. Oh, quel père vous avez! Exclama Madame Harding en serrant les mains de Marcia avec enthousiasme. Et en écartant un peu la bougie que la jeune fille tenait pour l'éloigner de ses sourcils qui étaient très artistement peints, mais qui ne produisaient pas leur effet trop près d'une forte lumière. Oh, quel père! Si mobile, lecteur si profond, si fascinateur! Oh, qu'une fille doit être heureuse d'être aimée d'un tel père! Les yeux de Marcia se baissèrent sous le regard souriant de son amie. Ces femmes charmantes de la race féline sont si capables d'oublier que le plus léger attouchement d'une patte de velours peut être désagréable quand il tombe sur une blessure ouverte. « Mon père n'est pas encore remis du choc de la mort de ma sœur, » dit Marcia gravement, « et je ne puis être pour elle ce qu'elle était. Je l'aime très tendrement, mais... » Ses mots expirèrent sur ses lèvres. Non, ce n'était pas à cette veuve souriante avec sa bouche rose, à laquelle il était si difficile de croire, soit moralement, soit physiquement. Ce n'était pas à Blanche Harding, que Marcia pouvait révéler le plus grand chagrin de sa vie. Mais elle reçut le dernier embrassement de sa visiteuse avec résignation et une petite pluie de baisers accompagnée de poudre de riz, et involontairement, elle l'essuya son front en prenant le corridor qui menait à sa chambre avec une vague idée que ses lèvres roses l'avaient souillée.